et tire un trait sur nos deux noms. Prends ton plus beau mouchoir, verse trois larmes sur notre histoire. Il y avait dans nos deux cœurs comme un peu de bonheur. Prends ton crayon et tire un trait sur nos deux noms. Prends ton plus beau violon et vas-y pour les sanglots longs. C'était sympa nous deux, c'était pas grave, pas trop sérieux. Juste un peu de soleil qui brillait dans le ciel. Prends ton crayon et tire un trait sur nos deux noms. Se dire adieu, c'est pas facile tout de même. Bien qu'on soit grand, qu'on ait l'âge de raison. On a le cœur un peu en quarantaine. Il y a des nuages plein l'horizon. Tire un trait sur nos deux noms. Prends garde malgré tout de ne pas tout effacer de nous. Qu'il nous reste un métro, une rue, un numéro. Si plus tard on veut s'écrire un mot au crayon. Si plus tard on veut s'écrire un mot